Label Rock. Deux heures de son pas comme les autres. Pop Rock, Electro, Reggae, World. Toute l'actualité des labels indés, tout de suite dans Label Rock. Salut les labelliens, salut les labelliennes et bienvenue dans une nouvelle émission de votre programme Label Rock. Le programme qui vous fait découvrir des morceaux pas comme les autres et ceci pendant deux heures. Alors qu'est-ce qu'on va s'écouter, qu'est-ce qu'on va se mettre entre les portugaises pendant ce programme cette semaine? Eh bien encore de belles découvertes, du rock évidemment, de la pop, un petit peu d'électro pour faire bouger les petons et les popotins, un petit peu de hip-hop pour se la jouer bling bling, du live avec en invité la belle et talentueuse Jackie, sans oublier évidemment quelques classiques bien poussiéreux mais ô combien essentiels. Alors pour commencer ce défrichage, on est parti pour deux heures donc avec un extrait du nouvel album des Arctic Monkeys. Le nouvel album est sorti cette semaine, quatrième album intitulé Suck It and See. Nous on s'écoute un extrait, ça s'appelle The Hellcat Spangled Shalala. Quand même l'événement de cette semaine, nouvel album Suck It and See, signé par les Anglais de Arctic Monkeys, disponible depuis cette semaine, enregistré à Los Angeles. Les Arctic Monkeys qui sont partis depuis le mois dernier en tournée pour la promotion de ce nouvel album, de nombreux concerts qui sont prévus aux États-Unis et puis ils reviendront cet été dans les principaux, on va dire, festivals européens, dont quelques-uns proches de chez nous. Le 3 juillet, ils seront aux Eurockéennes de Belfort, le 11 aux Nuits de Fourvière à Lyon, avant de revenir en France fin août, le 28 août pour être précis, ça sera à Rock en Seine du côté de Saint-Cloud. Arctic Monkeys, donc très bon album qui s'appelle Suck It and See. On va changer de registre, et oui déjà, mais bon c'est la Label Rock, vous connaissez, avec un guitariste et chanteur de blues électrique né le 1er octobre 1932 dans le Texas et décédé en 1993 dans le Nevada à Las Vegas. Quelques petites anecdotes sur Albert Collins, hein, celui qu'on appelait le maître de la Telecaster. Quelques petits faits intéressants que j'ai trouvé sur le net comme ça. En 1962 par exemple, premier succès avec le single Frosty, vendu à 1 million d'exemplaires. Sachez que pendant l'enregistrement de ce titre, il y avait 2 adolescents qui ont complètement buggé sur Albert Collins. 2 adolescents qui s'appelaient Janis Joplin et Johnny Winter. Voilà, ça c'est pour la petite anecdote. Sachez aussi qu'il a été repéré par Bob The Bear Hyde, membre du groupe de blues rock Canned Heat, qui avait manifesté de l'intérêt pour ce guitariste et qui était venu à Houston pour assister à l'un de ses concerts et qui du coup l'ont présenté au label Imperial Records, qui du coup l'a signé. 3 galettes enregistrées pour le label. Beaucoup d'albums hein, pour Albert Collins, et si je devais vous en conseiller quelques-uns, je vous dirais notamment de retenir l'album I Speak In. C'était en 1978, un grand classique et surtout du pur Albert Collins, avec un son si personnel, une guitare toujours très funky mais qui réussit à garder une certaine sauvagerie naturelle. Voilà. Et puis il y a aussi évidemment l'album Iceman qui était sorti en 91 et qui avait reçu des Grammy Awards. Albert Collins tout de suite donc dans la Bell Rock, ça s'appelle I Ain't Got The Time. I feel all right, y'all. You feel all right? That's what I'm talking about. That's your work now. qu'est-ce que c'est bon de s'écouter un petit peu de funk et de soul comme ça pour se rafraîchir les oreilles. Albert Collins pour commencer, And Got The Time, c'est sur un CD best-of qui vient de sortir avec pas mal d'exclusivité et de sessions live et de morceaux rares comme on a l'habitude d'avoir de temps en temps. Et puis à l'instant sorti en 1971, un morceau du groupe Soul, Sounds of Unity and Love, le morceau s'appelle Burning Spear, remixé à l'occasion par Tom Coveney sous le pseudonyme de Psyche Magic. Voilà du bon funk hein, avec, vous l'avez entendu, comme instrument mélodique principal, une flûte. Tiens, on va rester justement du côté de Psyche Magic. J'ai un petit peu bugué pour lui cette semaine, il fait de très bons remixes, il en a fait un autre, on va rester dans le blues d'ailleurs, avec le célèbre morceau d'un bluesman américain, le regretté Sonny Terry. C'est un titre de 1969 qui s'appelle Whooping the Blues, revu et corrigé dans une version qui moi me plaît. Voilà, Sonny Terry, Whooping the Blues, remixé par Psyche Magic. Montez le son comme d'habitude. On monte le son au fur et à mesure de cette émission. Vous écoutez la Belle Rock, c'est parti. Thank you. Et du bon groove dans cette émission Label Rock Sonny Terry pour commencer son titre Whooping the Blues, revu et corrigé par Psyche Magic et rebaptisé d'ailleurs Whooping the Blues. Et puis à l'instant sur le label Hazelwood Records avec en prime une magnifique pochette où on voit un mouton avec une clope à la gueule, le nouvel album des Super Preachers. L'album s'appelle The Underdog, ça part dans tous les sens mais ça reste néanmoins cohérent. Franchement, hein, si vous ne connaissez pas ce groupe français Super Preachers, véritable univers très personnel, je pense que la plupart d'entre vous passeront un excellent moment avec cette petite cuisine musicale qui fait bien plaisir à entendre. Super Preachers donc, je vous rappelle, l'album s'appelle The Underdog. Puisqu'on parle de foutoir musical, eux s'y connaissent aussi. Eux, ce sont qui ? Ce sont les Beastie Boys. We gotta make some noise if you do it. say. Le rap et le hip-hop à l'honneur de cette émission. J'espère que vous avez sorti vos chaînes, vos bagouses et tout ça. Beastie Boys, Make Some Noise, nouvel extrait du nouvel album pour les New Yorkais. L'album s'appelle Hot Sauce Committee Part 2. Huitième album déjà des Beastie Boys, sorti donc le mois dernier. Et produit cocorico par un Français, c'est Philippe Sdard. Souvenez-vous, la moitié du duo français Cassius. Un choix apparemment fait par le groupe les Beastie Boys. Après avoir entendu son travail sur l'album Wolfgang Amadeus de Phoenix. Voilà, un très bon cru pour les Beastie Boys à rapprocher, je dirais, de l'époque Check Your Head. Et puis, à l'instant, un nouvel extrait de l'album à venir de DJ Shadow, le Californien. L'album donc s'appelle The Less You Know The Better. Il est prévu pour septembre. L'artiste qui précise que sur son site internet que cet album sera un retour aux sources de ses premiers albums avec un petit côté innovant. Voilà, affaire à suivre. En tout cas, ça s'annonce plutôt bien pour DJ Shadow. Moi, j'adore ce titre qui s'appelait I Gotta Rock, ce petit côté épique comme le Californien nous avait habitué. Spokes, tout de suite, c'est une nouveauté sur un premier album. C'est un groupe anglais, l'album est sorti cette année, un titre plutôt sympa. C'est pas la version de l'album qu'on va s'écouter, c'est un remix signé par Capac, des potes à lui, un musicien de Liverpool. Le résultat que je trouve personnellement très sympa, la preuve. Spokes donc, 3-4-5, remixé par Capac, dans Label Rock, tout de suite. Je vous avais prévenu en début d'émission qu'il y avait du lourd dans ce nouveau programme de Label Rock Spokes 345 remixé par Capac pour commencer, puis à l'instant mon coup de cœur du moment, le nouveau maxi du Parisien Rhône. J'avais adoré, je vous avais d'ailleurs bassiné avec son premier album Spanish Breakfast qui était sorti chez Infine en 2009. Et ben voilà que le bougre remet le couvert avec trois titres de haute volée. D'ailleurs j'ai fait un petit peu de recherche, savoir s'il avait des concerts dans la région, et j'ai lu une petite critique d'ailleurs plutôt sympa sur l'internet qui pour moi résume bien le talent du français Erwan qui donc officie sous le nom de Rhône. Alors c'était ça, la musique de Rhône, c'est avant tout quelque chose qui vous attrape par les couilles, les tripes et tout ce que vous voulez, qui vous envoie valdinguer bien haut dans les nuages avant de vous asséner le coup de grâce qui vous fera lâcher ce fameux putain. Et oui, le petit prince de la techno est ici et il est français et il s'appelle Rhône. Je kiffe à fond ce maxi et franchement, une chose à dire, vivement le second long format. Autre très belle découverte, on part du côté de l'Angleterre avec Fotech. Nouveau maxi qui s'appelle Avalanche, disponible sur son propre label Fotech Production. écoutez le son de Label Rock et franchement, bien vous en a pris. De Label Rock et franchement bien vous en a pris. Fotech Avalanche, c'est le titre du morceau qu'on s'est écouté, c'est aussi le titre de ce nouveau maxi disponible donc sur son propre label Fotech Production. Et puis à l'instant, le projet Electrisk Gunner. Derrière ce nom assez barbare se cache en fait un français, franco-canadien plutôt, qui s'appelle Benjamin Gonner, avec une histoire plutôt sympa si on peut faire confiance au communiqué de presse, avec son père français dégénéré qui était guitariste dans un groupe de punk obscur, tandis qu'apparemment sa mère, qui elle était irlandaise, chantait et jouait du ukulélé dans le fameux groupe de folk psychédélique Incredible String Band. Enfin bref, nouveau projet donc pour Benjamin Gonner, nouvel album qui s'appelle Your Fire, c'est disponible chez Platinum, un label, vous le savez, si vous êtes fidèle à cette émission, qui ne me déçoit pas souvent et raté, ça sera pas pour le cas encore cette fois-ci, puisque l'album franchement est excellent. Si vous aimez le mélange d'électro, de rock, et ben c'est formidablement jouissif. Electric Gunner, donc Perfect Score, ça c'était le titre. Et l'album, lui, je vous rappelle, s'appelle Your Fire. Et on continue cette émission avec un petit peu de guitare acoustique, s'il vous plaît. Lights are backwards, refracted cries. Needle hits black lacquer, speakers forgive lies. I'm not running away, circulation makes her crazy. She's not here to stay. She just came by to shoot you, baby. calme et du lourd dans ce programme, de l'acoustique et du rock électrique. Thurston Moore, le leader des Sonic Youth, nouvel album qui s'appelle Demolish Thoughts. Si vous ne connaissez pas encore cet album, et ben franchement, vous passez à côté de quelque chose de formidable. L'album est produit par Beck, superbe virée pop folk, avec en prime de magnifiques arrangements de violon et de harpe qui font que toutes les chansons, franchement, sont passionnantes. Difficile hein, quand même de pas penser à Sonic Youth, tant la voix de Thurston Moore, ses intonations, ses mélodies et son style de jeu restent uniques et tellement identifiables. L'album est disponible sur le label Matador et encore une fois, je vous le recommande. Thurston Moore donc, Demolished Thoughts. Et puis, à l'instant, un album qui continue à tourner hein, sur la platine de Label Rock, c'est évidemment un extrait du dernier album du groupe The Kills. L'album, lui, s'appelle Blood Pressures. Allez, du live maintenant, chose promis, chose due, retour avec une des dernières sessions live enregistrées au Mardi du Grand Marais pour ce programme Label Rock, avec au menu ce soir une chanteuse d'origine ougandaise qui réside en Suède, qui a collaboré avec de nombreux musiciens et publié une série d'albums aussi éclectiques les uns que les autres. Elle s'appelle Jackie. Côté album, on est servi 4 albums. Premier album sorti en 2005 à dominante soul. Deuxième album sorti en 2007 qui s'appelle Nouvelle d'amour, qui faisait la part belle au blues rock. Troisième album intitulé A Letter to Billy, c'était une sorte de délire avec un big band, hein, hommage à Billy Holiday. Et enfin, l'an dernier, donc en 2010, Jackie qui décidait de revisiter le reggae avec l'album Land of the Free. Jackie en live dans Label Rock, 3 titres dans cette session, Take the Train, Letter to Sanson et pour terminer, Pink Drunk Elephant. Montez le son, Riorge, nous voici, nous voilà. Oh, oh, I'm gonna take a trip. Thank you. This next song I wrote for my brother who was in a big mess. His name is Samson, so I decided to write this song for him. And the song is called Letter to Samson. This is the blow for you, oh, my dear. I'm gonna sing the blues for you, my dear. You kind of been on my mind, my dear. I think this time you've got yourself in danger. You and my dear, and I hope I never ever let you down, my dear. And I hope you forever try to be the best you can, my dear. Wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah. Other people will judge you, my dear. They'll crucify you for your sin. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Who am I to judge you, my dear? As all that's what the cross was made for. Of the woman that I am, my dear. So I hope I never ever let you down, my dear. And I hope you forever try to be the best you can, my dear. And I hope you forever try to be the best, try to be the best you can, my dear. I hope I This is a letter to Samson. You ready to play? Me T-Bass on the bass. This is a letter to Samson, yeah. Do you want to dance? La Belle Rock. Yeah? Slowly will break you down. Elegantly they will strip you down. Emotionally they will take you high. And then they will fade into their waiting town. I'm talking to you with the power to erase within. And now I'm here to let me the reaper confiscate my right to see my become. Yeah, I'm bravely erect and I wanna raise the flag. So my mixed emotions hand me over like drunken elephant, but never rolling through. That's some poison in my blood, bring me apart, bring me apart. Every little thing you do, the simmy, simmy, simmy do. So what, so what, so what to do? You hit my blood, my pressure, pressure, pressure, dress on you. Every little thing you do, the simmy, simmy, simmy, simmy do. So what, so what, so what to do? My blood, my pressure, pressure, do. The freaking brothers living in the neighborhood. Them animals, them living in the neighborhood. Them hypocrites, them living in the neighborhood. And they watch you, watch you, watch you. I'm talking about the ones who have the power of that evil hour. Mutilate you like the ripper. Confiscate your right to suffer. Because, yeah, your family right now. You wanna raise a flag. So my mixed emotions knock me over like a drunken elephant. Rolling through, got the poison in my blood, bringing me apart, bringing me apart. Yeah, every little thing you do, the simmy, simmy, simmy do. So what, what, what to do? My pen, my pressure, pressure, pressure, drinks for you. We'll be right back. Jackie en live session enregistrée au mardi du Grand Marais à Riorge. Take the Train, Letter to Samson, et puis à l'instant Pink Drunken Elephant. Un grand merci à l'artiste pour nous avoir donné l'autorisation d'enregistrer et de rediffuser des extraits de cette session. Un grand merci à Baba à la console, un grand merci à toute l'équipe de Riorge, le service culturel qui vous donne rendez-vous évidemment au mardi du Grand Marais à partir de septembre, octobre prochain. Allez, on va continuer avec une nouveauté, on va remonter le son un petit peu, on part direction Manchester, le label Planet Mew, avec une nouvelle sortie signée par l'Irlandais Box Cutter. C'est un single, deux titres, les deux titres franchement très sympas, mais mention très spéciale à la face B qui s'appelle Other People. Pour moi, c'est vraiment le morceau qui me titille les oreilles et me fait du bien, du bien, du bien. Rock, jazz, funk, pop, soul. Label Rock. We'll be right back. très bon son électro qui groove et qui fait du bien aux oreilles. Boxcutter, c'est un single face B qu'on s'est écouté Other People sur le label Planet Mew, et puis à l'instant de l'excellente drum and bass sur le label Civil Music, maxi signé par Rezo, intitulé Vulcan EP. Si vous êtes fan, pas de soucis, sachez qu'un album sortira avant la fin de l'année. J'aime bien varier comme ça les plaisirs, un petit peu d'éclectisme, ça fait pas de mal, plutôt que de se cloisonner à un style musical. Nous, bon, on aime tout dans cette émission. Donc après l'électro, après le rock, après le reggae, moi je vous propose une petite virée du côté de l'Afrique. Oh, yeah, dude. Qui font plaisir et qui groovent bien avec du funk évident. Ali Chukwuma, Anis Peacemakers International, c'est sur le label Strut, un retour pour la troisième fois de leur série consacrée au Nigeria dans les années 70. Troisième volume donc qui s'appelle Sweet Times, Afro Funk, High Life et Juju Music from 1970s Lagos. Au programme de cette excellente compilation de la soul, du funk, du disco, du rock revu et revisité par les meilleurs artistes africains qui sévissaient donc au Nigeria dans les années 70. Et puis à l'instant, un titre obscur sur une compilation sortie chez Ambassador's Reception. Le titre de la compilation, c'est Mixtura Volume 1. C'est compilé par l'excellent Alibion. Si vous êtes fan de synthé, hein, de disco, de funk psychédélique, vous allez vous régaler. Pas grand chose à dire sur le projet. Le groupe s'appelait Tom Stones et le titre c'était Pourra. C'est déjà la fin de cette émission Label Rock. Rassurez-vous, on va essayer de revenir un petit peu plus fréquemment. Hein. Pas mal de boulot récemment, donc du coup Label Rock est un petit peu pris, mais on va remédier à ça dans les prochaines semaines. Allez, on va terminer avec un petit peu de bruit. Pour terminer cette émission avec la face B d'un des derniers singles des Écossais, Mogwai. Le single s'appelle Rano Pano et moi je vous joue encore une fois la face B. C'est une émission spéciale face B, j'ai l'impression. En tout cas, la face B s'appelle Hasenheide en référence au parc berlinois et elle contient le B.A.B.A. qu'on adore hein, chez les Écossais, c'est-à-dire guitare saturée, batterie, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Bref, vous connaissez le principe si vous êtes fan de Mogwai. Merci d'avoir été fidèle à cette émission. Je vous retrouve donc, je vais peut-être pas vous dire la semaine prochaine, mais très prochainement sur le net avec Label Rock. Soyez sages, mais pas trop comme d'habitude. À plus, ciao, ciao. Goodbye. Label Rock, deux heures de son pas comme les autres.